Bonjour, je suis Alexandre Blais, professeur au département de physique de l'Université de Sherbrooke. Donc, Sherbrooke est à environ 1h30 au sud-est de Montréal. Donc, mon intérêt pour la physique a débuté, mon intérêt plus marqué pour la physique, je veux dire, a débuté probablement autour de ce qu'on appelle le cégep ici, donc autour de 17-18 ans, ou ce qu'on appelle le cégep. Genre, j'avais un professeur qui était plutôt passionné de physique, puis qui partageait cette passion-là. Puis donc, c'est un sujet que je regardais pas de très proche, puis de plus en plus au cours de l'année où j'avais ce professeur-là, je me suis rendu compte que, c'est quelque chose qui m'intéressait, puis j'avais le goût d'aller plus loin. Donc, j'ai décidé en fait de m'inscrire à l'université en physique. Puis la piqûre pour la physique quantique, puis surtout la physique théorique quantique, en fait, je l'ai eue en faisant un stage expérimental. Donc, je faisais un stage en chimie, en fait, en chimie quantique expérimentale. Puis, je me suis rendu compte que ça fonctionnait vraiment pas pour moi. Et par hasard, je suis tombé pendant ce stage-là, pendant que je faisais une manip, sur un article dans la recherche de Serge Haroche, qui venait de montrer l'enchevêtrement et la décohérence, donc la perte de l'information quantique, dans son système de cavités et d'atomes, pour lequel il y a eu le prix Nobel il y a maintenant quelques mois, environ un an. C'est vraiment cet article-là qui m'a dit « Wow, la physique quantique qu'on apprend dans les bouquins, on peut vraiment la tester à son niveau le plus fondamental au laboratoire maintenant, puis c'est ce que je veux faire ». Pas longtemps après, j'ai commencé à rendre compte en fait qu'il y a une nouvelle branche de la physique qui commençait à émerger, qui est l'information quantique, l'informatique quantique, puis qui mêlait un peu les idées d'Haroche, donc que j'aimais bien la mécanique quantique, avec une application que je trouvais assez passionnante, là, d'avoir éventuellement un ordinateur qui est régi par les effets quantiques, l'ordinateur quantique. Donc, c'est ça qui m'a amené pour ce qu'on appelle ici la maîtrise, donc les études graduées, maîtrise puis doctorat, à m'intéresser à l'information quantique. Puis, entre autres, assez rapidement, à une réalisation physique de l'ordinateur quantique, plutôt que de m'intéresser aux logiciels quantiques, aux algorithmes quantiques. Je me suis rapidement penché vers comment est-ce qu'on pourrait, au laboratoire, faire un de ces ordinateurs-là. Donc, faire les calculs qui montrent que telle ou telle architecture est particulièrement bien adaptée. C'est comme ça que je me suis amené à penser au qubit supraconducteur, en fait, dont on aura la chance de parler. L'information quantique, l'informatique quantique, c'est relativement nouveau domaine de recherche qui est très multidisciplinaire. Donc, on a des physiciens, bien sûr, des mathématiciens, des chimistes aussi et des ingénieurs. Donc, de ce point de vue-là, c'est un domaine qui est très, très riche, très, très intéressant, très stimulant. Son objectif à long terme, c'est de construire ce qu'on appelle l'ordinateur quantique. Un ordinateur quantique, c'est un ordinateur qui opère selon les lois de la mécanique quantique. Ces lois-là, ça vaut la peine d'en parler un peu parce que c'est plutôt étrange. C'est justement cette étrangeté-là, l'étrangeté quantique, dont on bénéficie, on pense, pour accélérer certains calculs. Donc, la mécanique quantique nous dit que les systèmes, donc les plus petits, donc qu'on condense, les atomes, les molécules, peuvent être dans des états plutôt étranges. Par exemple, si moi je suis ici dans mon bureau et j'ouvre la lumière, il n'y a pas d'ambiguïté. La lumière, elle est ouverte ou elle est fermée. Par contre, dans le monde quantique, dans le monde des atomes et des molécules, on se rend compte qu'il peut y avoir des situations tout à fait bizarres, tout à fait étranges, où un système peut être dans un état et dans l'autre en même temps. Par exemple, un électron pourrait être à une certaine position et à une certaine autre position en même temps. Donc ça, c'est tout à fait étrange. C'est l'équivalent d'avoir la lumière allumée ou ouverte simultanément à notre échelle macroscopique. En plus de ça, il y a ce qu'on appelle de l'enchevêtrement. Donc, une action à un certain endroit peut avoir, d'un certain point de vue, une conséquence immédiate à un autre endroit qui est très éloigné. Puis ça, c'est tout à fait fascinant, c'est tout à fait étrange, en fait, mais c'est une propriété qui a été vérifiée, qui est vérifiée maintenant quotidiennement, qui ne fait plus aucun doute. Ce dont on s'est rendu compte au cours, ben en fait surtout au milieu des années 90, avec les travaux en particulier de Peter Shor, c'est que ces deux étrangetés-là, ce qu'on appelle les superpositions d'états et l'enchevêtrement, ça pouvait amener à résoudre certains calculs très difficiles d'une façon exponentiellement plus rapide. Le calcul le plus connu, c'est probablement la factorisation. On me donne un nombre, 15, puis on cherche les deux facteurs premiers, 3 et 5. Donc, dans ce cas-là, c'est un calcul qui est très, très simple, 15 égale 3 fois 5. Mais pour des nombres beaucoup plus grands, ce problème-là est extrêmement difficile. En fait, il est tellement difficile qu'il est utilisé en cryptographie. La difficulté de factoriser devient la difficulté de briser les codes cryptographiques. Ce que Peter Shor a montré autour de 1994, c'est donc que les idées quantiques, l'enchevêtrement et les superpositions d'états, serait possible de les utiliser pour venir donc à factoriser dans un temps exponentiellement plus rapide qu'on pourrait le faire avec l'ordinateur le plus rapide, le plus puissant sur la planète. Il faut comprendre ce qu'on veut dire par exponentiellement ici. Donc, il y a certains nombres qui pourraient nous prendre, disons, 15 milliards d'années à factoriser avec nos ordinateurs actuels. 15 milliards d'années que ça donne à être l'âge de l'univers environ. Mais avec un ordinateur quantique, on ne sait pas exactement combien de temps ça prendrait, mais on pense que ça serait de l'ordre de, je sais pas, de la journée, la semaine, du mois, quelque chose comme ça. Donc on passe de complètement impossible à tout à fait réalisable. Puis à ce moment-là, il y a une espèce de saut quantique, justement, où il y a un saut quantique dans l'intérêt vers cette recherche-là, qui était relativement marginale. C'est pas Peter Shor qui était le premier à penser à ces idées quantiques-là, mais à partir de cette démonstration-là qu'il nous a fait, il y a eu vraiment un intérêt ben, plutôt incroyable de la part de toutes sortes d'agences de financement, puis finalement de scientifiques qui se sont rendus compte que c'était un domaine extrêmement stimulant. La question de la réalisation d'un ordinateur quantique, comment on fait pour arriver à ce Saint Graal du domaine, l'ordinateur quantique, c'est quelque chose qui intéresse énormément les physiciens. Mais c'est une question extrêmement difficile. Parce que d'un point de vue, il faut profiter au maximum des effets quantiques, donc les superpositions d'états, l'enchevêtrement dont j'ai parlé. Le problème, c'est que ces effets quantiques-là apparaissent typiquement sur des échelles de grandeur qui sont ben, atomiques, dans les systèmes les plus petits, les plus propres, on pourrait dire. Mais d'un autre point de vue, un ordinateur comme on a aujourd'hui, ben, c'est pas constitué c'est constitué d'atomes, évidemment, mais les propriétés des atomes uniques sont absolument pas importantes. Un ordinateur, c'est un système macroscopique qui est facilement contrôlable. On peut rapidement taper ce qu'on veut taper à notre ordinateur, écrire notre email. On peut lire l'information, on peut donc le manipuler, le contrôler de façon très efficace. Et ça, c'est en opposition totale avec la conservation des effets quantiques qui demande un système tout à fait pur où essentiellement on n'a à peu près pas accès au système. Il n'y a rien qui peut venir déranger le système. Si je peux le contrôler, c'est qu'il y a quelque chose d'autre qui serait capable de venir le déranger en principe. Et cet effet-là, qu'on appelle la décohérence, amène à la perte des effets quantiques. Donc, ce qu'on cherche finalement, c'est un système où les effets quantiques sont encore présents, mais où c'est par contre possible d'avoir une manipulation efficace de ce système quantique-là. Et c'est là, en fait, où il y a une panoplie de systèmes physiques qui semblent relativement prometteurs. Il y en a quelques-uns parmi ceux-là qui sont encore plus prometteurs, en tout cas au moment où on se parle aujourd'hui. Une chose qu'on apprend en fait de ces systèmes-là, c'est que peut-être que notre image de la mécanique quantique qui était limitée à un atome unique et ou à des molécules uniques, c'est un peu réducteur. En fait, ce qu'on se rend compte au cours des dernières années, c'est qu'on peut utiliser des systèmes qui sont fabriqués avec les techniques de microfabrication moderne, essentiellement les mêmes techniques de microfabrication qu'on utilise pour faire nos ordinateurs actuels. En fait, si on construit des puces d'ordinateurs dans les bonnes conditions, donc en respectant certaines contraintes importantes, puis on les opère aussi dans les bonnes conditions, ben ces puces d'ordinateurs-là, ces puces électroniques-là, peuvent agir tout à fait de façon quantique. Ils peuvent présenter les propriétés lumière allumée, lumière fermée en même temps. Dans ce cas-là, ça ne sera pas des lumières, mais ça va être la présence ou l'absence d'électrons, de charge, dans une région du circuit, par exemple. Ou, par exemple, un courant qui circule dans une certaine direction ou dans une autre, mais en même temps. Donc ça, c'est des choses qui sont prouvées quotidiennement maintenant au laboratoire. C'est possible de créer des puces électroniques qui présentent ces effets quantiques-là. Et la façon de faire ça, en fait, c'est de profiter d'un autre effet quantique qu'on connaît bien, qui s'appelle la supraconductivité. La supraconductivité, c'est un effet quantique macroscopique. Donc, si on prend un bloc d'aluminium, donc un bloc d'aluminium pur, et on essaie de faire passer un courant à travers ce bloc d'aluminium-là, ben, il va y avoir de la résistance. Donc, c'est un peu comme nos ampoules incandescentes où on a un petit filament, on fait passer un courant. Il y a une résistance, puis le résultat de ça, c'est la lumière. Ce qui est spécial en supraconductivité, donc avec un système, un matériel supraconducteur comme l'aluminium, c'est que si on le refroidit à suffisamment basse température, environ 1 degré Kelvin justement pour l'aluminium, il n'y a plus de résistance. Ça veut dire que notre ampoule, si c'était une ampoule supraconductrice, n'émettrait pas de lumière. Ça, c'est dû à un effet purement quantique, ce qu'on appelle la condensation de Bose-Einstein. Donc, qui se passe ici avec les électrons de métal. Donc, c'est cet effet purement quantique-là dont on peut profiter parce que justement, ça élimine toute dissipation, toute perte d'énergie. C'est exactement la situation idéale pour la préservation des effets quantiques. Il n'y a pas de perte d'énergie, il n'y a pas de dissipation dans un système supraconducteur. On vient donc d'éliminer un paquet de problèmes. Et on est capable, en opérant nos circuits électriques quantiques supraconducteurs à très très basse température, environ à 10 millikelvin, on est capable donc de montrer les effets quantiques de façon tout à fait claire. Donc nos circuits électriques supraconducteurs, on doit donc les opérer à très très basse température. Et ça se fait dans ce qu'on appelle un frigo à dilution. Donc c'est un appareil qui typiquement coûte quelque chose comme un demi-million de dollars. Qui a un cylindre environ d'un diamètre de 50 cm, 40 cm, et qui fait 1 mètre ou 2 de hauteur. Et à l'intérieur de ça, il y a ce qu'on appelle un doigt froid. Il y a donc des tiges de cuivre qui descendent jusque dans le bas de ce cylindre-là pour atteindre complètement au bas une température donc, qui est proche du zéro absolu, environ 10 millikelvin, donc presque environ moins 273 degrés Celsius. À ces températures-là, on est bien, bien au-delà de ce qu'on appelle la température de transition supraconducteur de l'aluminium. L'aluminium devient supraconducteur à environ 1 degré Kelvin. On essaie d'aller le plus loin possible de ça, le plus bas possible, parce que on veut éliminer toute dissipation, mais ça, on le fait déjà en étant dans l'état supraconducteur. On veut aussi éliminer toutes sortes d'autres bruits. Puis plus que c'est froid, moins que c'est bruyant. Ma recherche porte encore sur donc, les qubits supraconducteurs. Donc, encore une fois, c'est plus qu'on refroidit à température très, très, très, très basse. Mais plutôt qu'à la fabrication de ces systèmes-là, moi, je m'intéresse à l'aspect théorique. Donc, comment, en principe, on peut réaliser les systèmes qui sont le plus quantiques possible, en mettre plusieurs ensemble, comment manipuler et extraire l'information de ces systèmes-là, de ces qubits-là. Je travaille aussi avec plusieurs des plus grands groupes expérimentaux dans le domaine, donc un peu partout à travers le monde, qui fabriquent ces systèmes-là, qui testent ces systèmes-là. Donc on peut rapidement soit mettre à profit ou mettre au défi nos théories. Donc le système qui m'intéresse est basé sur le modèle de circuit. Donc on a des qubits qui encodent des 0 et des 1. Ce qui m'intéresse, c'est le modèle standard de l'information quantique, donc le modèle en circuit. Donc, on va vraiment penser en termes de 0 et de 1, qu'on va manipuler à l'aide de portes logiques. Donc, pour nous, des portes logiques, ça va vouloir dire appliquer des puces de voltage sur nos circuits électroniques. Ça donne que nos circuits répondent aux fréquences micro-ondes. Donc, les puces de voltage, ça va être des puces qui oscillent aux fréquences micro-ondes, donc de l'ordre de 5 GHz, un peu comme vos téléphones cellulaires ou vos fours à micro-ondes. Donc, on réussit à encoder de l'information essentiellement plutôt d'une façon un peu imagée, en ayant une charge ou un ensemble de charges qui est à un endroit du circuit ou à un autre. Donc, avec les puces de voltage, on réussit à déplacer cette charge-là, cet ensemble de charges-là, et jusqu'à créer des superpositions quantiques. Donc, la charge est présente à un endroit du circuit et à l'autre en même temps. Donc, on a 0 et 1 simultanément. Au moment de mon stage postdoctoral à l'Université Yale, on a développé une nouvelle méthode pour mettre ensemble plusieurs qubits supraconducteurs. Cette méthode-là, on appelle ça maintenant l'électrodynamique quantique en circuit, par analogie avec l'électromagnétique quantique en cavité, ce qui a en fait le domaine de recherche qui a mérité le prix Nobel à Serge Laroche il y a environ un an. Dans cette architecture-là, on a plusieurs qubits supraconducteurs qu'on peut vraiment voir comme des atomes artificiels. Ce sont vraiment des atomes artificiels qui habitent maintenant sur une puce électronique. On réussit à les faire interagir en les mettant à proximité d'un fil d'aluminium d'environ 1 cm de long. Ça paraît un peu banal, un peu surprenant, mais ce fil-là, c'est vraiment la clé, tout le succès de l'architecture. Donc, la façon dont on peut imaginer cette architecture-là, c'est qu'on réussit à encoder de l'information dans un de nos qubits. Et on peut ensuite transférer l'information vers le fil. L'information va être encodée dans ce fil-là sous la forme d'une excitation d'une onde électromagnétique. On a un autre nom aussi pour une excitation d'une onde électromagnétique en mécanique quantique, ça s'appelle un photon. Donc on vient essentiellement de mettre un photon unique dans une superposition d'état, d'être présent ou absent dans le fil. Et cette excitation-là peut se propager le long du fil, qui fait donc, j'ai dit, environ 1 cm. Puisque plusieurs qubits qui peuvent être fabriqués à proximité de ce fil-là, cette excitation-là, ce photon, peut venir interagir avec un autre des qubits. Par exemple, peut se propager pendant 1 cm et venir interagir avec un qubit qui était à donc 1 cm de distance. De cette façon-là, on peut venir faire interagir des qubits qui sont séparés par d'une grande distance. 1 cm, c'est énorme du point de vue de la mécanique quantique. Et on réussit à faire des états enchevêtrés. Donc, on réussit à faire des états enchevêtrés, des états où les qubits sont tout à fait corrélés, malgré qu'ils soient séparés par une distance macroscopique. De ce point de vue-là, on sort complètement de la définition standard, la définition du dictionnaire de la mécanique quantique, qui nous dit que c'est la mécanique des atomes et des molécules. Maintenant, on est vraiment dans le macroscopique, puis on peut manipuler, contrôler vraiment à notre guise ces effets quantiques-là sur des puces électroniques. L'électrodynamique quantique en circuit est maintenant étudiée par la plupart des groupes qui s'intéressent aux qubits supraconducteurs. En fait, maintenant, je dirais essentiellement tous les groupes qui s'intéressent aux qubits supraconducteurs. On s'est rendu compte, en fait, que la présence de ce simple fil d'aluminium-là aide beaucoup à la fois à contrôler, à manipuler, mais aussi à protéger d'une certaine façon les qubits. Ça donne que ce fil-là, ça s'appelle aussi un filtre passe-bande. C'est une façon technique qu'un ingénieur électrique, c'est une façon dont un ingénieur électrique appellerait ce fil-là. Un filtre passe-bande, qu'est-ce que ça fait? Ben, c'est que ça vient filtrer le bruit, filtrer les signaux, entre autres le bruit, sauf les signaux qui sont dans une petite gamme de fréquences. Et si on met notre qubit dans une gamme de fréquences qui est à l'extérieur de la bande du filtre, ben, notre qubit voit simplement plus de bruit. Donc, on peut venir le protéger de cette façon-là. Puis, malgré qu'il soit protégé à l'intérieur du filtre, on est capable quand même de venir le manipuler et le lire. Donc, dans cette architecture-là, pourtant simple, on vient de mettre ensemble un paquet d'ingrédients qui étaient d'une certaine façon essentiels à une architecture d'ordinateur quantique. Donc, cette architecture a été développée autour des années 2004. Et depuis, en fait, c'est pas seulement les gens de qubits supraconducteurs qui s'intéressent à cette architecture, mais il y a plusieurs autres chercheurs, dans fait des dizaines d'autres groupes à travers le monde qui s'intéressent à cette architecture-là aussi, pour d'autres types de qubits, que ce soit les qubits qu'on appelle basés sur les points quantiques, donc les semi-conducteurs, ou un paquet d'autres architectures. Maintenant, tente de profiter des avantages de l'électrodynamique quantique en circuit. Donc, de mon point de vue, c'est assez excitant de voir notre percée qu'on avait faite dans notre coin venir avoir un impact à l'extérieur de notre domaine. Ce qu'on veut, c'est que le qubit subisse aucun bruit. Donc, c'est pour ça qu'on va le mettre dans un filtre, mais pas à la fréquence du filtre. Donc, on va le décaler par rapport à la fréquence du filtre. Donc, s'il y a du bruit qui arrive, si le bruit est hors bande, il passera pas, puis le qubit sera simplement pas affecté. Par contre, si moi je veux le contrôler, là, il semble que j'ai un problème parce que je viens d'empêcher les signaux de contrôle de l'atteindre. C'est pas un problème parce que contrairement au bruit, moi j'ai un amplificateur. Puis je peux simplement amplifier le signal que j'envoie. J'ai juste à envoyer plus de signal. La plupart de ce signal-là va être filtré, mais il y a une partie qui va quand même se rendre au qubit. Puis de cette façon-là, on peut le manipuler. Donc on le protège du bruit, qui heureusement lui n'est pas amplifié, mais on garde la possibilité de le contrôler en amplifiant seulement les signaux de contrôle. Le bruit dans ces systèmes-là ont plusieurs sources. Le bruit qui à l'origine était celui qui causait le plus de problèmes. En fait, c'est le bruit qu'on appelle électromagnétique. Simplement, nos circuits électriques ont plein de composantes, puis il va y avoir typiquement des résistances dans les circuits. Qu'on le veuille ou pas, il va y avoir quelque chose qui va ressembler à une résistance dans nos circuits. Puis ce que la physique nous dit, en fait, ce que la thermodynamique nous dit, c'est que si j'ai une résistance à une température non nulle, il va y avoir des fluctuations de voltage qui vont être générées par cette résistance-là. Et c'est ces fluctuations de voltage-là qui, si elles s'adonnent d'être à la fréquence du qubit, vont pouvoir être absorbées par le qubit. Et si le qubit absorbe un signal, c'est comme une opération logique. Il passe de 0 à 1. Donc, je viens de perdre mon information. C'est ce qu'on appelle la décohérence dans le jargon. On a toujours un paquet de projets. On a des projets qui sont plus information quantique. Donc, comment je peux venir manipuler, contrôler, mettre plus de qubits, avoir des qubits de plus grande qualité. Puis ça occupe une certaine fraction de notre temps. Mais à l'intérieur de ça, il y a une question qui est très difficile, en fait, encore, mais puis donc très passionnante pour moi, c'est la mesure. Comment je fais pour venir extraire l'information des qubits. En fait, la mesure en mécanique quantique, c'est toujours quelque chose d'un peu magique, un peu mystérieux, en fait, même pour les physiciens. Donc, en mécanique quantique, on dit que si j'ai préparé un système dans une superposition d'états, et par exemple, la lumière est allumée et fermée en même temps, mais les charges dans mon circuit sont ici ou là, la mécanique quantique nous dit que si je fais une mesure, je vais spontanément retrouver les électrons à un seul endroit et pas à l'autre. Tout d'un coup, je vais avoir brisé la superposition d'état. Ça, c'est pris comme, en fait, c'est un des postulats de la mécanique quantique. C'est pris comme une règle. Par contre, quand on veut construire un système d'information quantique où on doit absolument comprendre chacune des étapes du calcul pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'erreur, on doit comprendre aussi le processus de la mesure. Comment est-ce que physiquement la mesure se fait? La plupart des, en fait, presque tous les livres d'introduction à la mécanique quantique nous disent que la mesure, c'est quelque chose d'instantané. Dès qu'on mesure, c'est fini, on vient de détruire la superposition. Mais ce qu'on se rend compte, en fait, c'est plus subtil que ça. Ça prend un certain temps avant que la mesure soit vraiment réalisée. Puis un de nos objectifs de recherche est de faire la meilleure mesure possible, qui prend le moins de temps possible en particulier. On veut, après tout, extraire l'information le plus rapidement possible. Ce que je veux dire par mesure, c'est est-ce que le système est dans 0 ou dans 1? Donc initialement, il est dans 0 et 1, sauf que Si je factorise 15, à la fin, j'ai pas de superposition de résultats. La réponse est 3 et 5. Donc le résultat d'un calcul quantique, c'est toujours un résultat classique, c'est toujours un chiffre, par exemple. Donc à la fin, je dois extraire ce résultat classique-là. Ça se fait par la mesure. Donc en mesurant, je viens ce qu'on appelle effondrer la fonction d'onde. On va détruire les superpositions d'état. Et la magie des algorithmes quantiques, c'est que le résultat, après cette destruction-là, qui est en principe quelque chose, bien, qui est quelque chose de complètement aléatoire, on s'assure que les probabilités sont telles que, à la fin, il est hautement probable que le résultat qui nous intéresse, bien, c'est la réponse au calcul, 3 et 5. Puis le fait que ça soit seulement hautement probable, c'est pas un problème. C'est tellement rapide, l'ordinateur quantique, qu'on a juste à répéter quelques fois le calcul et avec 100% des chances, on va rapidement converger à la réponse. Donc ça, c'est absolument pas un problème. Donc quand je dis mesure, c'est extraire cette information-là. Donc extraire les 0 et les 1. Savoir est-ce que chacun des qubits, chacun des transistors quantiques, est-ce qu'ils sont 0 ou est-ce qu'ils sont 1. Donc comment, en électrodynamique quantique en circuit, comment est-ce qu'on fait pour venir faire cette fameuse mesure-là? Mais c'est encore avec l'idée du filtre et du fil. Donc, le fil d'un centimètre de long qui joue le rôle de filtre, quand on le couple au qubit, ben, il y a une propriété plutôt intéressante qui se passe, en fait. Donc, c'est comme si la présence du qubit venait décaler la fréquence du filtre. Donc, si par exemple, mon filtre faisait simplement passer les photons à 4 GHz, ben, la présence d'un qubit va venir décaler la fréquence du filtre de façon à ce que maintenant il fasse juste passer, disons, les photons à 4,5 GHz. Mais parce que c'est quantique, il y a une subtilité supplémentaire. Ce décalage-là va dépendre de l'état du qubit. Si le qubit est dans l'état 0, 4 GHz. Si le qubit est dans l'état 1, 4,5 GHz. Donc faire une mesure, ça va vouloir dire envoyer une impulsion lumineuse à, disons, 4 GHz. Si je vois quelque chose, ben je sais que c'était dans l'état 0. Si je vois rien, je dois en conclure que c'était dans les temps.